On s'est déjà présenté lors de la première séance. Je suis Metal Ali Mohamed Abdelaziz, doctorant en deuxième année à Paris 7, en histoire de l'architecture, à Paris 7, sous la direction de Madame Anna Cayozo, dans le laboratoire ICT, et en co-direction du laboratoire La Vue chez Madame Laurence Favel. Dans l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Mes recherches portent sur le patrimoine architectural et paysager ou paysagiste de l'époque coloniale et les politiques de sa conservation en Algérie. Je m'intéresse aux jardins, aux places publiques, tout ce qui est espace public et les monuments qui bordent ces espaces-là. Pour mes recherches, je me suis focalisé sur les quatre plus grandes villes d'Algérie, à savoir Alger, Oran, Constantine et Annaba. Alors, je vais m'intéresser justement aux espaces publics de ces villes-là, aux places publiques et aux jardins. D'après le livre de Thomas Shaw, qui reste un de très rares témoignages d'Européens sur la ville d'Alger, justement au XVIIIe siècle, Alger n'avait ni place ni jardin à cette époque-là. Alors, le show fait certainement référence au jardin intramuros parce que Alger comptait un nombre très élevé de jardins extramuros. C'était des jardins reliés à des maisons à l'époque ottomane, des jardins qui pouvaient être privés ou semi-privés parce qu'il y avait aussi la possibilité que des gens de la famille ou des amis de la famille qui possédaient le terrain. Elle avait la possibilité d'y accéder. On voit très bien sur l'iconographie de cette époque-là que voilà, Alger, c'était véritablement, on dirait, un monobloc d'habitation et de construction. On ne perçoit pas d'espace vert à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des murailles. On n'aperçoit même pas aussi un espace là où pouvait peut-être un espace consacré à une place. Je vous ai mis deux iconographies qui le prouvent très bien. Après, en cherchant justement pour entamer les recherches de l'époque coloniale, on s'est intéressé à l'époque ottomane. Là, on a un peu cherché à faire des recherches sur justement l'espace public de l'Empire ottoman. Là, on a trouvé que c'était pas évident par rapport à l'Algérie qui était certainement sous la dominance ottomane, mais là où la vie des habitants d'Alger était totalement différente de celle des habitants d'Istanbul. Là, c'est la place de la Junina. On voit très bien le palais de la Junina qui était en fait la résidence officielle des Deys d'Alger jusqu'à ce que le Dey en 1823 déménage à la citadelle d'Alger. Citadelle d'Alger qui se trouve en fait au sommet de la ville. La Junina, le palais est bâti en 1662 par le Beylik Ismail qui s'étendait au centre-ouest de la place de la Junina, qui est en fait maintenant la place du gouvernement, la place des martyrs, on va dire, parce que la place du gouvernement, c'est l'appellation de la période coloniale. Cette place comptait de nombreux bâtiments, dont le palais du sultan qu'on voit ici, et la mosquée de Jama'a al-Shawsh. La Dar Hamed, le harem du Dey Hamed, assassiné d'ailleurs en 1805, les fours et les magasins de la manutention. Le petit Jnen, d'ailleurs qui porte le petit Jnen du palais, d'où l'appellation de la Junina de cette place-là. Le palais turc de Salah Reis, voilà ce palais qui a été en fait transformé après l'entrée des Français en Algérie. Transformé, on voit ici avec cette tour qui a été rajoutée et une horloge. On voit sur cette iconographie déjà la création, on commence déjà à créer cette place des martyrs, une place très importante d'Alger. C'est la première place sur la place de la Junina. On voit déjà la mosquée qui reste, cette mosquée qui reste de l'époque ottomane, elle est jusqu'à maintenant une des vieilles mosquées d'Alger. On voit très bien aussi que l'occupation française commençait à créer déjà ou à bâtir des constructions avec des arcades qui donnent directement sur cette place qui a été surélevée. On voit très bien aussi les arcades qui ont été créées pour surélever la place qui va être une continuité du boulevard de l'Impératrice qui donne directement sur la mer Méditerranée. Voilà une vue aérienne de cette place. On a la mosquée qui est là, à côté on a le palais consulaire qui devient par la suite la chambre de commerce, mais la place qui a été bordée auparavant au début de la colonisation française par le palais de la Janina mais est maintenant juste bordée avec des habitations haussmanniennes, des habitations de l'époque coloniale, mais le palais en lui-même a été détruit par un incendie justement dans les années 1844. Et après, le reste justement des habitations de l'époque ottomane qui restaient à côté, on les a tous détruits dans les années aussi 1856 pour avoir cette place qui reste une place assez coloniale malgré qu'elle a été bâtie sur une place qui remontait à l'époque ottomane. Parmi les autres places qui font l'objet de notre étude, c'est la place de Bourseïd, qui s'appelait à l'époque, au début aussi de la colonisation, la place Napoléon, qui est bordée par le théâtre d'Alger, qui est considéré quand même comme l'un des premiers bâtiments à être construits à Alger, c'était en fait pour essayer un peu de créer de la distraction pour les militaires basés sur place à Alger. Alors on a cette construction qui borde un peu la Casbah qu'on voit ici, hein, c'est la Casbah. Et on voit très bien que, voilà, c'est le boulevard de l'Impératrice qui a été créé justement pour la visite de l'empereur et l'impératrice au début aussi des années de la colonisation. Et on voit cette place qui devient par la suite, elle est d'ailleurs actuellement appelée Square de la Bourseïd parce que ça a été planté et ça a été boisé. Mais auparavant, c'était une place. On voit très bien qu'elle fait en fait la liaison entre la ville ottomane qui se trouve ici et la ville coloniale qu'on voit très bien de ce côté. On voit très bien déjà la différence des constructions et la différence de l'emplacement des constructions. L'autre place aussi qui nous intéresse, c'est un peu c'est la place de la Grande Poste, avec aussi ses jardins, les jardins de l'horlogerie florale, ou aussi appelée la coulée verte d'Alger. Là, cette place aussi, c'est une place de création coloniale. On voit très bien aussi des habitations de cette époque-là. On a la grande poste construite par l'architecte d'ailleurs Denis Maris Doudouard, qui a fait l'objet de mes recherches lors du Master 2 à Poitiers. On a aussi le bâtiment de la dépêche algérienne, qui a été construit par Henri Petit, qui reste aussi un monument dans un style néo-mauresque avec des décors à perfusion. On a aussi le palais du gouvernement. Actuellement, c'est aussi le lieu le palais du gouvernement algérien qui borde en fait cette place qui garde un peu cet aspect de coulée verte jusqu'à maintenant en fait. Il n'y a eu presque aucun changement, à part que le monument aux morts qui a été changé par un autre monument créé par un artiste algérien. Mais justement cette place et justement ces jardins feront aussi justement l'objet de notre étude, parce qu'actuellement j'ai passé une année, à faire de la recherche bibliographique, la recherche aussi aux archives, parce que c'était pas évident de trouver des archives de ces des places, de la création des places et des bâtiments qui les bordaient, parce qu'il fallait se partager en fait entre Paris, Alger, Aix-en-Provence et éventuellement en province en Algérie, parce que oui, on trouve des archives parfois dans les mairies de petites villes. Et c'était un peu, voilà, c'était la première année de la thèse était consacrée à ça. Parmi aussi les jardins qui ont fait un peu l'objet de notre étude, c'est le jardin d'essai. C'est le plus grand jardin d'Algérie, créé dès 1833. C'est un jardin qui est assez grand quand même, avec deux sortes de jardins. Un jardin à la française qu'on voit ici, avec tout ce qui est forme régulière, et un jardin à l'anglaise qui se trouve juste à côté et qui a été en fait, on va dire, la source des jardins en Algérie. Parce que c'était en fait, au début, ça a été créé pour justement acclimatiser les arbres qu'on faisait venir justement d'ailleurs pour la colonie algérienne, pour essayer de planter justement tout ce qui est arbres nouveaux dans cette colonie nouvelle. Et à partir de ce jardin, on a créé d'autres jardins dans les autres villes d'Algérie, à savoir à Annaba, Constantine et Oran, qu'on verra par la suite. Alors je vous ai un peu proposé le plan de ce jardin avec son architecture. Alors on a le jardin qui se compose en fait de trois pôles. On a le pôle un peu jardin à la française, jardin à l'anglaise, et un peu un pôle intermédiaire là où on trouve les bâtiments et l'administration du jardin. Alors le jardin à la française qui est à l'ouest s'étend sur une longueur de 600 mètres et sur 7 hectares de surface. Il est structuré par un axe longitudinal et dans la perspective où c'est la baie d'Alger. Là, on ne voit pas très bien, mais après la rue Hassiba Ben Bouali, on a la mer Méditerranée. Et au nord, au nord et au sud, on a le musée des Beaux-Arts, qu'on va voir tout à l'heure. Dans une forme régulière, il se présente comme un parcours bien dégagé, marqué par trois moments forts. La grande terrasse d'une superficie de plus de 5000 mètres carrés, soutenue par une galerie de colonnades de style dorique. Dans un blanc éclatant et dont les abords sont plantés d'arbres et d'arbustes, elle offre une vue panoramique sur le jardin. Le petit bassin, forme circulaire entouré de plates-bandes et d'arbustes, principalement d'ifs. Enfin, le grand bassin qu'on voit ici, de forme ovale, situé au nord. Le jardin à la française est bordé de Washingtonia et séparé de l'ancien jardin situé plus à l'est, qui est le jardin en fait anglais, à l'anglaise, par plusieurs allées perpendiculaires à la rue Hassiba Ben Bouali, comme l'allée des platanes et l'allée des draconiens et l'allée des ficus, qu'on voit très bien sur ce plan du jardin d'essai. Après, on a le jardin à l'anglaise, de l'autre côté, c'est le côté est du jardin, il est aux formes irrégulières, il se compose d'allées sinueuses et de deux bassins, il abrite de différentes collections d'arbres et de palmiers d'origine tropicale et subtropicale. On a aussi une autre partie du jardin qui n'est pas présentée ici, c'est l'arboretum qui se trouve en fait au sud du jardin, après la rue Mohamed el-Bouzdet, qui se trouve sur cette... Et dans cet arboretum, on trouve aussi la villa Abdelatif, qui est une villa qui remonte à l'époque ottomane et qui a été en fait restaurée récemment. Et au centre, nous avons tout ce qui est bâtiment administratif et tout ce qui est aussi aire de plantation. Ce bâtiment, c'est le musée des Beaux-Arts d'Alger, le surplomb justement le jardin d'essai. Et il donne un peu cette impression de château avec son jardin à la française. C'est une perspective en fait qu'on trouve dans les châteaux en France. C'est un peu, je ne sais pas si je vous ai pas mis une photo justement de ça, de la perspective que le jardin avec le musée donne. Ça donne en fait l'impression d'être en France et avec dans un château en plein France. Voilà, ça c'est pour Alger, mais pour Alger on s'est intéressé aussi, là je ne vous ai pas tout mis parce que c'est un peu ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il y avait aussi le jardin Marengo à Alger, à Bebelwed. Nous nous sommes intéressés aussi à ce jardin qui a été conçu aussi en 1835, juste après le jardin d'essai, d'ailleurs par les condamnés militaires du général Marengo, d'où cette appellation jardin Marengo. Nous sommes un peu aussi intéressés au jardin de la liberté qui est en pleine restauration. C'est pour ça que je ne vous ai pas un peu montré ce jardin. Pour l'instant, on n'a pas eu accès à ce jardin. En tous les cas, il est restauré par des Français, dont le paysagiste Michel Racine. Il participe d'ailleurs à cette restauration. Et nous allons aussi nous intéresser, ça dépend aussi de la documentation qu'on va trouver aussi sur le jardin de Sofia, qui se trouve juste aussi à côté du boulevard de l'Impératrice. Alors pour Oran, ça va être la place d'armes. Nous allons nous intéresser à cette place avec l'hôtel de ville d'Oran et l'opéra d'Oran. Pour l'instant, Oran, nous avons un peu identifié les monuments et la place, mais pour l'instant, personnellement, je ne me suis pas encore déplacé. J'ai pas trouvé en fait le temps pour y aller. Par contre, Constantine, alors l'Est a été étudié par rapport à mes origines parce que je vis de l'Est, alors c'est plus près que Oran, mais Constantine. Comme vous voyez sur cette photo, alors c'est une photo assez intéressante parce que on voit très bien la ville ancienne, c'est la ville de Constantine, et on voit justement la place, c'est les premières années de la place, la place de la Brèche, et c'est la place principale de la ville. Et on va s'intéresser à cette place-là, cette place et ses jardins. Alors, elle a été créée juste après la colonisation de la ville. Constantine, qui reste presque la dernière ville importante à être colonisée par les Français en 1837. Justement, les Français sont entrés dans la ville par une brèche. Une brèche qui se trouve justement de ce côté-là, justement du mur de la ville. C'est pour ça que cette place-là a pris le nom de la place de la Brèche. Voilà, quelques années plus tard, on a un peu le jardin qui pousse, et on a un peu déjà, on voit très bien que la ville a commencé à se construire en dehors de la, en dehors et à l'intérieur aussi de la ville, parce qu'ancienne, parce qu'on voit très bien, si on voit la différence, on voit très bien qu'il y a des parties qui ont été détruites de la ville ancienne et ont été reconstruites. Bon, à cette place, ça c'est assez principal de, c'est la place principale de Constantine. On va s'intéresser un peu au théâtre de Constantine qui reste les plus beaux théâtres d'Algérie. Hein. Et on va s'intéresser aussi au palais de justice qui borde aussi cette place. On va s'intéresser au garage Citroën qui est actuellement le centre culturel, le palais culturel de Constantine. Justement, j'ai mis cette iconographie par rapport aux vestiges, parce que vous avez parlé d'un jardin de vestiges, Et là, déjà, en Algérie, on a commencé à le faire dès les premières années de la colonisation. C'est le jardin de la République, c'est le jardin de l'hôtel de ville qu'on voit ici sur l'image. Et déjà, à cette époque-là, on mettait les vestiges de l'antique Sirta sur le jardin pour que le visiteur ou le promeneur profite en même temps d'une visite culturelle dans le jardin. Voilà, c'est une photo c'est un peu avec Google sur de la place. On a la place qui est ici, la place du 1er novembre, alors c'est la place de la Brèche, avec ces jardins. Les jardins, justement, c'était à l'époque des deux côtés. Maintenant, on n'a qu'un seul côté qui est resté jardin, l'autre côté a été bâti par des hôtels, les nouveaux hôtels de Constantine. Voilà le théâtre qui borde la place de la Brèche. Nous avons aussi la banque qui était auparavant un marché couvert. Nous avons ici le palais de justice et la poste. Vous voyez très bien que déjà, ça a été dès le départ une place consacrée aux grands équipements de la ville. De ce côté, nous avons l'esplanade de Constantine qui a été auparavant en fait le jardin justement des vestiges, le jardin de la République. Là, ça a été bâti justement à cette époque, à l'époque aussi coloniale. Là, on a créé un marché souterrain et en haut, on a créé cette place, cette esplanade qui donne en fait sur les collines qui sont avoisinantes. Et voilà aussi le palais de la culture qui était auparavant le garage Strohen et qui donne directement justement avec cette vue sur la place et sur les jardins de Constantine. Pour Annaba, on nous semble un peu intéressé à la place d'Armes, qui reste la première place aussi de cette ville, parce que si on voit tous les plans des villes algériennes avant la colonisation, c'est des plans assez remplis, il n'y a aucun emplacement consacré, sauf peut-être pour les marchés, c'est des places assez petites. Mais là, il y a eu justement une création de place assez grande au cœur de la ville, de la Médina d'Annaba. Justement, je vous ai en parlé la dernière fois aussi concernant ces arcades qui ont été rajoutées justement par les colons, par la France, par le génie militaire. On a créé justement ces arcades qui n'étaient pas auparavant. On a adossé ces arcades-là à cette mosquée, la mosquée de Salah Bey qui a une histoire extraordinaire, parce que cette mosquée elle a été construite en plein époque ottomane. Il y a eu un conflit entre les maghrébins, les habitants des arabes quoi, et les ottomans, les turcs, sur le minaret. Là on voit deux minarets pour la mosquée, un minaret turc avec cette forme cylindrique inspiré du rite hanafite, et un minaret qui est carré, inspiré du rite malikite. Et ça a été créé avec les deux minarets, et après ça il y a eu un ottoman qui a détruit le minaret carré en laissant que le minaret cylindrique. Et après l'arrivée des Français, on a créé les arcades et on a reconstruit le minaret carré. C'est très intéressant. Elle a une histoire assez intéressante aussi et assez belle. Nous sommes aussi intéressés pour la ville d'Annaba au cours de la Révolution. Le cours de la Révolution qu'on voit ici, c'est un cours planté, c'est un cours aussi inspiré du cours un peu de la reine, hein, parce qu'il s'appelait en même temps au début de la colonisation cours la reine. Cours la reine qui remonte au XVIIe siècle, qui a été instauré par Marie de Médicis à Paris, au bord de la Seine. Alors, l'appellation sur les cartes où on a trouvé les premières cartes de la ville, c'était le cours la reine, et après, c'est devenu le cours Bretagna, c'est en référence au maire de la ville. Et aujourd'hui, c'est le cours de la Révolution. Le cours de la Révolution qui est bordé aussi alors, par le port qu'on voit ici et par l'hôtel de ville, l'église Saint-Monique, Saint-Monique qui est la mère de Saint-Augustin, et le théâtre, voilà. Le théâtre, justement le théâtre d'Annaba, qui a aussi une histoire assez tragique parce qu'il a été détruit lors des bombardements allemands en 1943 et reconstruit par la suite dans un style moderne. Voilà l'hôtel de la ville. Alors, l'hôtel de ville d'Annaba qui a été construit en 1884 par Denis Marie Stoudoir, le même architecte sur lequel j'ai travaillé. Avec voilà, cette architecture néoclassique un peu qui rappelle celle de la métropole et avec, surtout avec cette toiture en ardoise assez imposante. Voilà, des recherches ont été effectuées sur chaque monument à part parce que par la façade et les plans de ce hôtel de ville, je les ai trouvés un peu dans un musée à Paris. Même pas ailleurs, même pas dans les archives, même pas, c'est dans un musée. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu, les archives sont un peu partout. Le théâtre d'Annaba qui a été reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale, après la destruction du premier. Et voilà l'église Saint-Monique, malheureusement qui a été détruite dans les années 70. On l'a un peu remplacé par un parking souterrain. Et voilà. Parce que c'est le centre de la ville. Et voilà, où ils se sont dit, on a la basilique Saint-Augustin qui est un peu en dehors de la ville, dans une colline en dehors de la ville. Et ils se sont un peu dit, voilà, ça suffit pour la communauté chrétienne. Après, ils ont un peu regretté peut-être. Ils ont pu faire une reconversion en musée ou quelque chose quand même qui allait être plus intéressant qu'un parking souterrain. Voilà. Et de l'autre côté, on a le palais de justice qui occupe l'angle de la place et qui est aussi assez intéressant. Par contre, pour les palais de justice, c'est un peu difficile d'avoir tout ce qui est archives, tout ce qui est plan. Même pour les photos, c'est un peu difficile de prendre des photos à l'intérieur du palais de justice. Voilà, je pense que j'ai terminé. Ça, c'est des photos en couleur, hein, parce que j'ai un peu commencé avec le noir et blanc et j'ai un peu terminé avec les couleurs. C'est justement la perspective du jardin d'essai qui donne directement sur la mer méditerranéenne. Nous avons aussi des allées, des statues de ce jardin qui reste un jardin remarquable. Voilà, merci.